Reynald et moi, on va vous raconter une petite histoire. Une petite histoire. Un petit conte de fées, quoi, pour endormir les enfants. Voilà. Next.